Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Saint-Ol fête ses 10 ans à la SCAM. Désir de son. Bonsoir, bienvenue à la SCAM. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. C'est un vrai plaisir d'être là pour ce 9e rendez-vous des 10 ans de Saint-Aune qui déjà nous ont fait voyager à Perpignan, à Caen, à Auch, à Ganges, à Marseille, à Paris une première fois au mois de juin, c'était avec Radio Campus Paris à Petit-Bain pour les 20 ans de la radio, puis à Arles, puis à Blois, puis à Paris encore ce soir pour cette 9e bougie et la 10e sera soufflée à Bruxelles le 1er décembre à l'invitation de la CSR et de Radio Panique. Alors, Saint-Aune, ça a commencé discrètement par un blog il y a 10 ans. C'est aujourd'hui un magazine en ligne et une revue papier qui s'appelle La Revue de l'Écoute, qui est lue en France, en Belgique, au Canada, en Slovénie, à Taïwan. Enfin, ce que je vous dis là, c'est un peu anecdotique, mais elle est lue aussi dans des bibliothèques, dans des lycées. Et nous, à Saint-Aune, on s'intéresse à cette drôle de chose qu'est la création radiophonique et aux autres formes d'expression originale sonore, pour résumer aux aspects sociaux et créatifs du son. Alors avec toute une équipe ce soir autour de moi, des contributeurs et des contributrices de Saint-Aune, donc il y a Déborah, il y a un micro rouge qui n'est pas encore ouvert. Bonsoir. Bonsoir Déborah, Clément. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Pierre. Bonsoir. Pascal. Salut. Et Alexandra. Guten Abend. Et moi-même, Étienne, voilà. Donc cette soirée placée sous le signe du désir de son, comme vous l'avez entendu dans le générique, avez-vous remarqué comment la création se fait de plus en plus bavarde ? C'est pour ça que nous avons besoin de son et que nous avons eu envie de revenir sur quelques sujets importants que nous avons pu traiter ces 10 dernières années. Quelques dossiers que nous allons animer d'une nouvelle façon ce soir. Alors non pas par pur militantisme du recyclage, mais parce que ces sujets résonnent d'une nouvelle façon aujourd'hui. Alors on parlera par exemple de radio numérique terrestre, alors pas de rapport vraiment avec le son, mais quoique, mais aussi de son inouï. C'est également pour nous encore une fois le désir de rendre vivante la curiosité qui nous anime à partager nos écoutes. Donc nous entendrons des coups de cœur de la rédaction de Saint-Aune, ainsi que deux avant-premières de créateurs et de créatrices qui nous ont confié leur son pour cette occasion. Et puis ce soir, c'est aussi l'opportunité de tendre nos micros à d'autres personnes, de faire entendre des problématiques actuelles qui préfigurent la radio de demain, celle que nous désirons malgré une époque quelque peu préoccupante. Donc c'est parti pour 90 minutes de traversée à bord du navire Saint-Aune. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Pascal, je me souviens d'un article emblématique, à mon sens, que tu avais écrit pour Saint-Aune. C'était quand même il y a quelques années, c'était en 2013. Ça s'appelait « Les heures sourdes ». Et tu relevais à quel point aujourd'hui nous sommes ultra sollicités par tout un tas de communications, de newsletters, de réseaux sociaux, de sites web, des radios, qui font que finalement, nos oreilles sont touchées après nos yeux, le plus souvent, et que l'écoute passe par le filtre de l'écrit. Et tu écrivais « Il faut se rendre à l'évidence, l'art des sons ne s'écoute plus, il se lit ». Mais aussi, paradoxalement, tout notre boulot à Saint-Aune, c'est de mettre des mots sur les sons. Alors pour ce soir, tu t'es plié à un petit exercice d'écriture et donc nous allons te retrouver à plusieurs moments de la soirée. Un petit exercice d'écriture que nous avons appelé une affaire de mots. Exactement. Donc je suis allé à la pêche et j'ai trouvé un certain nombre de mots, d'expressions que voici. Je vais chercher les sons comme on soulève les jupes. Un son vertical, un stalactite sonore, un geyser inversé, une cataracte sonore, la surépaisseur, le relief, le modelé du son, assonance et dissonance, accord ou confrontation, collision, chevauchement, superposition, tressage, contamination, croisement, alternance, glissement, décrochage, expansion, l'évanescence des sons, la théâtralité des sons, la socialité du son, captation, amplification, transfiguration, la chair du son, sa texture, sa pigmentation, sa corporéité, ses spores, ses plis, sa plasticité, misophonie, la phobie des sons, les transmuteurs de sons, les bricophonistes, les plasticiens sonores low-tech, les sons des voix sans corps comme des têtes qu'on baladerait au bout des pics. L'activité cérébrale est à son maximum dans l'intervalle entre deux sons. Le son universel. Les oreilles, des nœuds de peau bizarrement tordus. Les catacombes ourlées de l'oreille humaine. Organes passifs, protubérances dérisoires, chou-fleurs décoratifs, coquillages d'apparat, berceau tout rose, vestibule intérieur, un calice. Les plus petits os de notre corps, 20 000 oscillations par seconde. Aristote prétendait que les grandes oreilles proéminentes sont une marque de sottise. Des loupes auditives, des longues ouïes. Le grand muscle de l'hélix, le ligament du tagus, le lobule avec son tissu cellulo-graisseux. Nos oreilles sont solidement attachées à la tête. Ça, c'est toi qui l'as écrit. Le fait de n'avoir pas d'oreilles pour entendre les spores émis par les champignons Basidia nous oblige à nous munir de microphones. Il devient de plus en plus évident que la société occidentale est en train de s'assourdir. Si nos oreilles étaient différentes, comment entendrions-nous ? Un silence de chat sauvage. L'épaisseur étale du silence. Un silence minéral. Un silence lourd et sans fêlure, quelque chose comme l'équilibre d'une balance. Le silence était si profond, c'était comme s'il se réverbérait. La délimitation du silence et sa construction géométrique. Munch avait su nous faire entendre le cri silencieux. Aucun moment n'est plus précieux que ces moments où l'on ne nous donne rien à écouter. Ce n'est pas la disparition des sons qui fait le silence, mais la qualité de l'écoute, la pulsation infime d'existence qui anime l'espace. Une lecture de symptômes provenant de la gauche arrive plus fort dans l'oreille gauche, avec davantage d'intensité. Lorsque la lecture de syntone arrive à l'oreille droite, la lecture de syntone est moins forte, mais la lecture de syntone arrive aussi en retard. Il y a une différence de temps. La lecture de syntone voyageant dans l'air à 340 mètres seconde, la différence est ultime. Mais si notre cerveau n'est pas capable de percevoir cette différence comme un décalage temporel, il en retire une information très précise sur la localisation de la lecture de syntone. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Un dossier qu'on avait eu beaucoup de plaisir à faire, totalement spontanément et sans vraiment l'avoir pensé au départ, c'est les sons inouïs. Les sons inouïs, là où l'oreille met rarement les pieds. Juliette, on a tiré un fil sonore pour ce soir. Puisqu'on parle d'inouïs, je vais vous inviter à plonger dans le silence pour découvrir ces sons inouïs. Mais quel silence ? Qu'est-ce que le silence dans lequel seraient enfouis des sons qu'on n'a jamais entendus ? En 1952, John Cage a imaginé le concert suivant. Un pianiste renommé arrive sur la scène, s'installe au clavier, et pendant 4 minutes et 33 secondes, suspend ses mains, suspend le temps, suspend l'écoute. Le public pensait être venu écouter une composition au piano. Cage lui proposait d'écouter une composition, toujours unique, des interstices de notre écoute, de ces sons précisément auxquels nous ne prêtons pas attention. Entre 2010 et 2014, l'artiste Aaron Inker a quant à lui institué un musée sonore du silence, où qui voulait pouvait adresser un spécimen de silence. On pouvait par exemple écouter un silence de train. Un silence de cimetière. Un silence à 30 personnes. Êtes-vous bien sûr d'avoir écouté les silences d'Aaron Inker ? N'avez-vous pas pris le silence à 80 personnes de la SCAM pour le silence à 30 personnes du musée du silence ? N'avez-vous pas confondu la sono avec un cimetière ? Ou votre acouphène avec un train ? Vouloir écouter le silence, c'est comme vouloir écouter le vent. On ne peut pas. On entend ce qui surgit du silence, et pas le silence lui-même. On entend ce que le vent fait bouger, et pas le vent lui-même. Mais revenons au silence, parce que quand je vous invitais à plonger dedans pour découvrir des sons inouïs, je parlais très concrètement. Or, depuis tout à l'heure, nous ne faisons qu'évoluer à la surface du silence. Nous n'y sommes pas encore entrés. Il faut dire que je n'ai pas précisé qu'en plus d'être éminemment construit, varié et fuyant, le silence, notre silence, est terriblement anthropocentré. Techniquement, il peut se définir comme tout ce qui se situe en dessous du seuil d'audition de l'oreille humaine, plus ou moins 0 décibel dans l'air. Mais ce n'est pas parce que l'espèce humaine n'entend pas un son dans l'air qu'il n'existe pas. Ce que la poésie avait deviné depuis longtemps, les techniques acoustiques haute fidélité commencent à le saisir. Commencent seulement parce que les techniques acoustiques haute fidélité sont comme nos oreilles, imparfaites, anthropocentrées, infidèles. Par exemple, écoutez ceci. Maintenant, écoutez cela. Ces prises de son ont été faites par Chris Watson, une grande figure de la captation audio-naturaliste, c'est-à-dire des sons de la nature. La BBC l'avait invité à mener une expérience dans une chambre sourde afin de déterminer quel était l'animal le plus silencieux de la planète. Dans le premier son, cet animal rampait, et ni nos oreilles ni les micros n'ont su capter cela. Dans le second, vous l'entendiez grignoter une feuille de salade qui a le bon goût de craquer et ainsi de le rendre audible à nos oreilles. Cet animal, c'est l'escargot. Quant à savoir s'il est le plus silencieux de la planète, c'est une autre affaire. Disons qu'il est, parmi les animaux visibles à l'œil humain, l'un des moins audibles à l'oreille humaine. Au cœur du silence, de notre silence humain, il y a une infinité de mondes. Le silence, c'est un peu la face immergée de l'iceberg sonore. C'est là qu'il y a le plus de matière, de texture, de nuances. On peut s'aviser, grâce au travail de Boris Jolivet, que l'araignée loup tambourine des feuilles sèches avec son abdomen. Et même qu'elle crie. David Dunn, lui, nous donne à entendre ce qu'il nomme la lumière dans les arbres, qui en fait, moins littérairement, est le son de leur extinction. Il enregistre en effet, à des fins artistiques autant que scientifiques, l'infestation de certains arbres par des colonies de coléoptères. Rassurez-vous, pas besoin que les arbres se meurent pour les entendre. On peut prêter l'oreille, avec Alex Metcalf, aux vibrations du vent et à la circulation de l'eau à l'intérieur de leur tronc. Pour continuer sur le chemin de l'eau, l'océan n'est pas tout à fait le monde du silence que le commandant Cousteau prétendait. Au contraire, c'est là que Yana Winderen a enregistré avec des hydrophones, des micros qui captent les sons dans les liquides, ce qu'elle a nommé les types les plus bruyants de la planète, à savoir les crustacés. Les glaciers, ces vastes étendues désertes, ne sont pas moins expressifs. Katie Patterson a enregistré la fonte du Vatna Jökull avant qu'il ne disparaisse dans l'océan. « Le silence ne fourmille pas seulement de microcosmes ou de phénomènes sonores qui s'expriment en dessous de 0 décibel. Il comprend également les sons qui ne peuvent pas être entendus par l'espèce humaine parce qu'ils sont trop graves ou trop aigus. Parmi les trop aigus, les ultrasons, il y a par exemple les cris que poussent les chauves-souris pour se localiser en écoutant la réverbération de leurs cris dans l'espace qu'elles traversent. Ici, nous n'entendons pas réellement leur cri, qui demeure inaudible, mais sa retranscription quelques octaves plus bas. Les sons très graves, les infrasons, quant à eux, concernent des phénomènes telluriques qui présentent la caractéristique étonnante, à la simple échelle humaine, d'être simultanément silencieux et assourdissant. Silencieux, car en bonne partie infrasonique. Assourdissant, car la Terre n'a que faire des frontières de l'audition humaine et émet dans une large gamme de fréquences. Le LIDO, un observatoire des profondeurs océaniques, a ainsi publié les enregistrements par ses hydrophones du tsunami du 11 mars 2011 au Japon. La prise de son n'est pas belle, mais c'est précisément la saturation inattendue, imprévue, impensable des instruments scientifiques qui donne la mesure de la catastrophe. Tout n'est que vacarme micro et macroscopique sur Terre, donc. Mais dans le vide de l'espace, où il n'y a ni air, ni liquide, ni solide pour véhiculer le son, peut-être trouvera-t-on vraiment du silence, me direz-vous. Ce serait sans compter sur l'Agence européenne de l'espace, qui a capté les rayonnements électromagnétiques émis par la comète Chury et les a multipliés par 10 000 pour rendre audible son champ. Avec cette comète, nous voilà revenus paradoxalement à l'anthropocentrisme le plus éhonté, puisque nous n'entendons ici que la seule représentation humaine d'une activité extraterrestre. Mais n'est-ce pas le cas précisément pour tout ce que nous venons d'entendre? S'il nous est impossible d'écouter le silence à oreille nue, cela s'avère tout aussi difficile avec un appareillage. Nous ne faisons au fond qu'écouter le son de nos technologies, bien plus que celui des objets qu'elles captent ou sonifient. Les technologies sont hautement fidèles à elles-mêmes et non au son en tant que tel. Le son qui s'enfouit le plus délibérément dans le silence, celui qui prétend le plus à la transparence et qui nous trompe le plus, c'est sans doute celui-là. Si on se met à l'écouter, lui, surgit une toute autre représentation de notre quotidien. Je vous laisse avec quelques instants d'une balade électromagnétique organisée par Christina Kubisch, qui équipait les promeneurs et promeneuses de casques, leur diffusant précisément le son des flux hertziens, électriques, numériques, qui constituent aujourd'hui notre habitat. Merci Juliette. En suite logique avec cette causerie de Juliette Volclair sur les sons inouïs, on va entrer dans notre premier moment d'écoute avec donc une avant-première. C'est un projet qu'on affectionne dans Saint-Aune. C'est aussi parce que c'est une complicité, pas au titre de ce projet, mais un autre titre qui nous relie à Faune Radio à travers la personne de Floriane Pochon, qui est celle qui a conçu notre site web et qui a permis que nous ayons une existence nouvelle sur Internet il y a quelques années. Et donc, nous avons demandé à Floriane si elle pouvait participer à cette soirée. Alors, Floriane, elle est de l'autre côté de l'océan depuis quelques années. Elle habite à Montréal. Et donc, nous avons la chance ce soir de pouvoir entendre le prochain podcast de Faune Radio. Alors, Faune Radio, c'est une web radio de flux, mais c'est aussi depuis quelques saisons radiophoniques, un podcast qui est renouvelé à chaque rentrée. Et cette année, le podcast de Faune Radio s'appelle Tiny Tunes from the Wilder World et s'intéresse aux métamorphoses. Et ce que nous allons entendre maintenant, c'est donc le podcast qui sortira, le nouvel épisode qui sortira le 13 novembre et qui s'intéresse à la métamorphose de la cigale, l'insecte le plus bruyant de la planète. Voilà pour maintenant ce moment d'écoute avec Faune Radio, une réalisation de Floriane Pochon. Au beau milieu d'une réalité sûre d'elle-même, chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Nothing in the cry of cicadas suggests they're about to die. Transformation. Let's begin our journey. C'était Tiny Tunes from the Wild World, la métamorphose de la cigale par Faune Radio. Désir de son. Alors, ce n'est pas de la langue de bois de le dire, sans toutes ces personnes que je vais citer maintenant, sans chacune d'entre elles, Saint-Aune ne serait pas le même aujourd'hui. Certains ont écrit une seule fois, d'autres ont creusé leur sillon. On était souvent peu expérimentés, on savait peu ou pas écrire sur le son, on a appris en faisant, et on a tous appris les unes des autres. Alors, plutôt que de faire ça à la va-vite, à la dernière minute, à la fin de l'émission, je vais prendre maintenant le temps d'un hommage aux contributrices et aux contributeurs de Saint-Aune. Musique. Dans l'ordre plus ou moins chronologique, Mary James, Julie Hurtel, remarquables par leur implication au tout début de Saint-Aune, Andrea Cohen, Laura Romero, Céline Develay-Mazurel, Philippe Baudouin, Stéphane Vigneault, André Timponi, Clara Baudou, Katia Chiffaut, Benoît Bory, Christophe Deleu, Annabelle Rémy, Andrada Noagiu, Marie Bertin, Ariane Demonger, Christina Engel, Coraline Janvier, Fanche Langouette, Sarah Bourdère, Béatrice André, Émilien Bernard, Céline Laurens, Jennifer Lavallée, Anne-Lou Vicente, Guillaume Abgral, Aline Pénito, Sylvain Quément, Céline Pardo, Mélissa Barra, Sarah Segura, Héloïse Plantrou, Laure Egoroff, Marc Namblard, Guy Noël Olivier, Léo Duquesne, Claire Richard, Amélie Perrault, Léna Burger. Et puis, il y a nous qui sommes ici ce soir, Étienne Noiseau, Juliette Volclair, Clément Baudet, Pascal Mouner, Déborah Gros, Pierre Isnard-Dupuis, Alexandra Baraille. Et celles et ceux qui auraient dû être avec nous, Anna Raimondo qui se trouve entre l'Italie et la Belgique ce soir, mais on se verra à Bruxelles pour la 10e bougie des 10 ans de Saint-Aune. Et Pali Meursault, encore retenu malgré lui dans la banlieue de Grenoble et qu'on embrasse sur le bout des deux pieds. On rassure aussi nos abonnés que Pali revient bientôt et vous aurez bien une fiche pratique dans le prochain numéro de la Revue de l'Écoute. Et il faut aussi honorer nos photographes, illustrateurs, dessinatrices qui offrent leur vision du son en relation ou en indépendance de nos articles. Rosalie Peters, à qui on doit beaucoup de l'identité visuelle de Saint-Aune et de la Revue de l'Écoute, comme cette affiche que vous avez sous les yeux. Michel Charon, Christophe Modica, Lénon, Anaïs Morin, Antoine Blancard, André Robert, Novella de Giorgi, Émilie Seto, Anne Peters, Clémence Fermé, Bertrand Panier, Julie Jardel. Sans oublier les créateurs et les créatrices qui nous ont offert leurs contributions sonores lors de notre campagne de crowdfunding. Chantal Dumas, Marie Guérin, Jeanne Robet, Faïdo Sonore, Jonas Paul, Alexandre Planck, Mehdi Aoudig, Nathalie Battus, Chloé Sanchez, Irvic d'Olivier. Et ceux qui nous ont envoyé des contributions littéraires et graphiques qui ont été publiées dans la revue, Daniel Martin-Boré, Laurence Courtois, Marine Anger, Dominique Petitgan, Benjamin Habitant, Sébastien Disner, Vincent Matine-Walcan, Zoé Jadoul, Alessandro Bosetti, David Bouvard, Félix Blum, Alexandre David. Et puis on fait un petit coucou par-delà l'océan à Floriane Pochon et Stéphane Jourdan qui ont conçu, entretenu et maintenu notre site web. À Mireille Prats, imprimeuse, Antoine Fischer, sérigraphiste, Anise Flock, diffuseuse, et Catherine Stabler, designeuse graphique à l'écoute. Tous et toutes, soyez sanctifiés. On passe maintenant à notre première séquence avec invité. Fini l'auto-célébration. On va maintenant parler d'un sujet, parce qu'il y a des sujets qui nous préoccupent, et notamment un qui nous a préoccupés en ce début de nouvelle saison radiophonique. Et qui nous préoccupe toujours, c'est le devenir de la création radiophonique à France Culture. Vous le savez, vous qui êtes ici à la SCAM, mais il faut le rappeler, une heure sur deux, c'était deux heures, une heure en moins par semaine, il n'en reste plus qu'une. Une heure de création radiophonique, c'est le niveau le plus bas, c'est le plancher, on ne peut pas faire moins. Et pourtant, très pragmatiquement, il faut noter que la création radiophonique est inscrite au cahier des charges de Radio France, qu'elle fait partie de la définition même de France Culture. Donc on reçoit ce soir une petite partie d'un collectif du personnel de Radio France, France Culture, parmi les personnes qui ont réussi à venir ce soir. et vous êtes chargé de réalisation et technicien. Je vais poser trois questions. La première, c'est qu'est-ce qui est en jeu actuellement dans la disparition de cette heure de création radiophonique à l'antenne, selon vous qui êtes des professionnels de la Maison Ronde, qui avez connu plusieurs époques? Alors, en cette période de route du Rhum très médiatisée, ça fait une trentaine d'années qu'on a la chance de s'embarquer sur une mer du sonore avec des rencontres inouïes, beaucoup de singularités, d'altérités, d'expériences croisées. Et au fil des années, on a vu l'espace de production se réduire en peau de chagrin. C'était peut-être l'ère du temps, disons, et les économies successives de ces services publics auxquels on est très, très attachés, parce que c'est notre rôle, en tout cas, d'accompagner et de se faire rencontrer, de faire vibrer et surtout de solliciter l'imaginaire par le sonore et des récits inouïs. Et au fil des années, on s'est rendu compte que ces valeurs non seulement disparaissaient au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, et d'autre part, très très récemment, la disparition d'espaces de diffusion nous pose vraiment la question de quelle est l'intention de cette direction qui veut renouveler en tout cas un espace une niche entre guillemets, un espace qui apparemment n'est pas compris par les auditeurs, qui n'aime pas écouter, qui doit se remettre en question certes, mais pour laquelle on a perdu effectivement une heure de diffusion, on a perdu du temps de production. Alors le volant de production générale n'a pas été officiellement en tout cas amputé, mais la réalité c'est qu'à la rentrée il y a une heure en moins. Et que, en ce moment, on ne sait pas qui sera le prochain producteur coordinateur. Oui, c'est ça que je n'ai pas précisé, c'est qu'il n'y a aussi personne à la barre de cette case création en air. Actuellement, donc on est convié à des réunions avec la direction, avec Sandrine Trainer et Vincent Lemaire, pour élaborer, en tout cas pour être convié à penser un avenir pour cette tranche. Il est difficile d'élaborer sans avoir des éléments et une vision. C'est-à-dire pour l'instant, s'il n'y a pas de coordinateur, ce qui était le cas de nos prédécesseurs, Irène Omelienko avait une vision, une expérience de la radio, ce qui lui a permis d'établir aussi des rencontres et des diffusions et d'engendrer en tout cas des initiatives autour de la création et de ce qu'on avait à mettre en onde. Auparavant, d'autres personnalités avec les Passagers de la Nuit l'ont fait à leur façon. Et Franck Suisse et Philippe Langlois l'ont fait aussi dans un espace qui leur était dédié. Or là, on est dans une sorte de flottement. C'est-à-dire que pour la rentrée, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place, mais avec une sorte d'intention de ne pas trop savoir comment ça va se passer. Parce que pour l'instant, rien n'est acté officiellement. Donc on est sur de l'oralité, une oralité qui change tout le temps. Donc on est sur des terrains mouvants. Et je te laisse la parole. Et tous les personnes engagées dans la création, ou en tout cas même dans l'élaboration de ce type de programme, sont très inquiets concernant l'avenir, effectivement. Bonsoir, Alain Joubert. Donc, je suis amené à travailler souvent pour France Culture en tant que preneur de son, mais surtout mixeur. J'ai été amené à travailler assez régulièrement pour l'émission qui s'appelle encore Création en air. Mais je voudrais plus me placer en tant qu'auditeur, indépendamment de mon travail sur France Culture. J'avais un grand plaisir et une attirance à écouter les deux heures de création en air qui étaient diffusées chaque semaine. La réduction à une heure, je trouve ça assez dramatique. Je le prends comme une heure symbolique. Bon, on ne supprime pas tout, on garde une heure, ça, c'est symbolique. Les gens seront satisfaits avec une heure. Et je trouve que c'est quand même, indépendamment du cahier des charges, c'est quand même une des missions de cette radio d'accueillir des gens qui veulent faire des essais sonores. J'aime pas tellement création sonore parce que ça peut être très interprété différemment. Est-ce que essai, ça convient aussi? Est-ce que c'est un terme qu'on peut utiliser? Moi, je pense. Est-ce qu'on a le droit de faire des essais encore à France Culture? Essai radiophonique, de moins en moins. Essai radiophonique. Alors, il a été mis sur la table qu'il y avait beaucoup de choses, comme le disait Gilles. C'est une niche, ça n'intéresse personne. C'est faux, c'est une minorité, mais il faut, à mon avis, que ça existe. Il y a eu des ratages, mais c'est normal quand on fait des essais. Tout n'était pas extraordinaire, voilà. Mais je pense que pour les auditeurs qui étaient attirés par ce type de programme. Il y a une curiosité d'écoute. Après, on juge, mais il y a une curiosité. Je trouve ça vraiment... Moi, je suis très touché par cette amputation, quoi. Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, propose de compenser l'heure perdue par un podcast natif. C'est-à-dire, pour les gens qui sont, ne connaissent pas ce vocable, c'est-à-dire un podcast qui n'est diffusé que sur Internet et qui ne correspond pas à une fréquence de diffusion, une émission sur l'antenne. Quels sont, selon vous, les avantages et les risques du podcast natif ? Alors, en ce qui me concerne, je pense que... Enfin, moi, je suis plutôt pour cette dimension-là, parce que je m'en rappelle avec beaucoup d'émotion des premières émergences, Arte Radio, déjà même à Radio Grenouille, il y avait quand même pas mal d'expérience dans ce domaine, et pas mal d'autres radios aussi qui ont tenté la radio de flux. C'est-à-dire que ça nous permet, en tout cas en termes de forme, de nous réinterroger et de se repositionner sur des alternatives de formes soit plus courtes, soit sous forme de séries, soit... Enfin, c'est plutôt... En tout cas, en termes d'écriture et de forme, une chance de réinventer une écriture audio, pas radio. Parce que la radio doit être aussi une radio de diffusion et de direct. Et les deux ne sont pas du tout incompatibles, la preuve, puisque toutes les radios qui ont émergé récemment, je trouve que le son ne s'est jamais aussi bien porté. Et c'est le moment de voguer sur ces mers qui sont de plus en plus riches. Et donc je suis très très optimiste en ce qui concerne le sonore et les rencontres et pour avoir croisé tellement de personnalités prêtes à s'engager sur tous ces terrains, je me dis que tout est possible. Seulement, si c'est au détriment d'une tranche de diffusion, c'est pas très cohérent parce qu'effectivement un podcast natif peut alimenter aussi la diffusion hertzienne. A contrario, la diffusion hertzienne peut devenir un élément de repenser ces fameuses 58 minutes en plusieurs étapes de façon différente. On peut pourquoi pas faire un format de 2 heures avec ce que les passagers de la nuit d'ailleurs avaient tenté avec des petits formats, ce qui était assez complexe à mettre en œuvre, mais en tout cas il y avait eu des tentatives dans ce sens-là. Donc les passagers de la nuit, c'était Thomas Baumgartner, 2010-2011, je crois. Tout à fait, après Frank Smith et Philippe Langlois qui ont coordonné les ACR, après René Farabée, enfin voilà, dans l'historicité. Donc, il y a eu des belles tentatives, mais là, on n'a aucun engagement concernant le podcast natif en termes de production. De toute façon, aucune production n'est réellement engagée aujourd'hui pour une diffusion à venir sur le podcast en podcast natif. En termes de droit, pour l'instant, il y a un vide juridique. Pour les auteurs, parce que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'auteurs de France Culture autour de cette table, parce que c'est eux aussi de s'exprimer, qui présentent des projets. Il y en a dans la salle, en tout cas. Voilà, et ça, c'est très, très important, parce que pour eux, il y a une forme de précarisation, avec une obligation de répondre maintenant à des exigences éditoriales qui sont de moins en moins, en tout cas, le monde de l'imaginaire, de l'intime, de la singularité, de l'altérité. Disons que c'est un peu... nous, en tant que chargés de réalisation, nous sommes les artisans. Nous sommes, là, je suis ouvrière passionnée. On est tous passionnés, donc c'est un petit peu dommage que tous mes camarades ne soient pas là, parce qu'on a tous des particularités. Ce qui est sûr, c'est notre engagement pour le son et vraiment un amour pour ce qu'on fait. Ça, c'est clair. Donc c'est un peu dommage que... on soit de plus en plus dans des espaces restreints et qui ne correspondent pas à une éthique, à une volonté de faire avancer des valeurs essentielles. Alors justement, à la rentrée, on a vu une pétition circuler qui a recueilli 3600 signatures à peu près. Alors, d'un côté, on peut trouver ça pas mal, beaucoup même, mais en même temps, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pas le genre de chiffre qui peut être tourné en ridicule par une direction qui regarde surtout l'audimat ? Enfin, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une mobilisation suffisante autour de cette question, à la fois en interne, à la fois en externe ? Et comment est-ce que on pourrait interpeller là aujourd'hui pour mobiliser sur cette question ? Je pense qu'il y a la mobilisation externe n'est pas importante. La mobilisation est partie de gens de Radio France qui travaillaient sur et qui étaient attirés par cette décision. Si je prends l'exemple d'une émission de France Musique qui a failli disparaître il y a quelques années concernant la musique contemporaine, les compositeurs se sont mobilisés et ont pu agir. Et l'émission a été maintenue parce que, en fait, je pense que ces compositeurs forment un groupe, ces compositeurs de musique contemporaine. La SACEM s'est manifestée auprès de Radio France. Là, au niveau des producteurs de culture pour ce type d'émission, ils sont très disséminés. Oui, là, quand tu as dit la mobilisation n'est pas importante, elle devrait être plus importante. Oui, absolument. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? À votre avis, qu'est-ce qui peut faire changer d'avis cette direction? Ce que je peux signaler, c'est qu'il y a des appels à projets pour les parties, enfin, j'allais dire le restante, et qu'il faut absolument se mobiliser pour, enfin, en tout cas, nous, pour être associés à un travail d'accompagnement, peut-être sur le débroussaillage, en tout cas, de la mise en œuvre de ces projets, mais surtout inviter les auteurs à essayer de se positionner et de proposer leurs projets. C'est-à-dire envoyer des projets? Ouais, envoyer des projets. Alors à qui on peut les envoyer maintenant, s'il n'y a pas de coordinatrice? Pour l'instant, c'est un peu la problématique. Ouais, Vincent Lemaire, en tout cas, accueille les projets et est aidé d'Aurélie Charron. On a du mal à s'exprimer parce qu'en fait, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc, c'est un peu difficile d'engager une discussion sur des actes qui n'ont pas été mis par écrit, où on est sur des oralités et sur des personnes qui sont chargées de bonnes intentions et de faire évoluer un espace de création avec ces bonnes intentions. La seule problématique, c'est avec quels moyens on se les donne, avec quelle vision, avec quelle légitimité, avec quel savoir, parce que c'est des personnes que j'ai rarement vues dans des lieux, en tout cas d'écoute, sur des lieux un peu alternatifs, en tout cas, ou en tout cas sur une forme radiophonique qui n'est pas celle standardisée, référencée, avec des gens de spécialistes qui parlent sur des sujets. Donc ça me pose un peu problème, mais je ne parle pas en mon nom. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que... À un moment, c'est un espace de résistance, c'est le devoir du service public d'aider la création et de promouvoir des jeunes et des moins jeunes talents, des programmes originaux et qui ne rentrent pas dans un format prédéterminé, prédéfini. Et c'est très important, c'est un lieu de résistance à un moment où justement les radios de flux, les radios de net sont en train d'exploser. Il y a plein de démarches et d'initiatives qui sont merveilleuses. Je passe juste mon temps à écouter énormément de radios. On n'est pas auto-centré sur France Culture. On a une tendance à croire que les gens de France Culture n'écoutent que France Culture. C'est complètement faux. Moi, j'ai appris avec Arte Radio, j'ai appris avec Radio Grenouille, avec Faune Radio. Encore, j'ai des élèves, entre guillemets, du Créadoc, qui font des choses merveilleuses à droite à gauche. À Brest, il se passe plein de choses. Ça bouge énormément. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, ouvrons nos oreilles, nos envies, nos désirs. Et... Alors, la solution, non, on cherche. On essaye de mobiliser plus de monde, peut-être pour cette pétition en externe. Mais c'est à nous, en interne, en tout cas, de nous battre aussi pour faire valoir ça, peut-être avec des mouvements de grève, des revendications. Enfin, voilà, il faut qu'on se mobilise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de parler ce soir. On a bien conscience que ce n'est pas évident. Donc, merci beaucoup, bon courage. Merci à vous et bon anniversaire. Désir de son. Désir de son. Désir de son. Le rayonnement des ondes électromagnétiques, l'amplitude, les interférences, la réverbération, l'absorption, les oscillations. Radiation à basse fréquence, les ondes infragraves de la Terre, l'infrasonore, le rayonnement fossile, les ondes baladeuses, les ondes soniques incidentes se propagent de manière sphérique. Les doses de radiation ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Quelqu'un qui écoute, ça ne s'entend pas. Être à l'écoute, c'est éponger le monde. Une décharge nerveuse dans le cortex auditif. Je oui, tu oui, il oui, c'est la ouïssance générale. L'écoute est sa sensation de présence immédiate, l'angle d'écoute. Je me mis à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. L'auditeur, cet interprète libre et turbulent. Laisse-toi donc projeter comme un yo-yo sur la trajectoire du son entre la source si lointaine et, au creux de ton oreille, l'impact du ricochet. Donner à écouter le monde sans avoir à le subir. Écouter, c'est désirer. Le monde est assurément à portée de l'entendement pour celui ou celle qui sait y mettre les formes. Vibreur basse fréquence, haut-parleur coaxio, lecteur CD, amplificateur, caisson de compression en contreplaqué, vieux poste TSF super hétérodyne 5 lampes, disque de Jeclin, capsule cardio, capsule omnidirectionnelle, table de mixage analogique, les inserts, les préamplis, un échantillonneur, un quantificateur. Aurais-je assez de batterie? Ai-je le bon câble ou la bonne pince? Afin de restituer la perception de l'espace de la lecture de synthone, il faudra deux micros pour enregistrer les différences de temps et d'intensité à partir desquelles il sera possible de localiser la lecture de synthone sur un plan horizontal. Mais notre cerveau est aussi capable d'analyser la manière dont notre crâne et la forme de nos oreilles filtrent la lecture de synthone pour faire la différence entre l'avant et l'arrière, le haut et le bas de la lecture de synthone. Note, on appelle fonction de transfert relative à la tête les filtres auditifs qui nous permettent d'entendre la lecture de synthone en 3D. Ils sont aussi personnels que la forme de nos oreilles. C'est pour cela que si l'on met un bonnet, on devient moins précis sur la provenance de la lecture de synthone. Faites le test, les yeux fermés. À suivre. Maintenant, on va passer au coup de cœur de la rédaction. On appelle ça comme ça. Bon, c'est un peu bateau. Mais l'idée, c'est de parler de quelque chose qui nous intéresse, qui nous fait vibrer, qu'on a envie de partager. Donc, j'accueille maintenant Déborah. Alors, au sein de l'équipe, chacun et chacune a un peu ses marottes, ses sujets de prédilection, parfois ses obsessions, en tout cas ses terrains d'exploration, ça c'est certain. Et Déborah, c'est l'Espagne, l'Équateur, le monde hispanophone en général. Et en 2016, tu nous avais parlé d'une fiction, Géographie du Purgatoire, d'Anne Cibran, qui était réalisée par Laure Gouroff. Et ce soir, tu vas nous parler de la suite. Alors, là, en tout cas, une poursuite du voyage, puisque dans cette première fiction Géographie du Purgatoire, donc diffusée en 2016, Anne Cibran partait en voyage dans les Andes, en Amérique latine. Et dans cette deuxième partie, donc quelques années après, elle descend en Amazonie équatorienne. Et donc c'est une pièce radiophonique en 10 épisodes réalisée par Laure Egoroff et qui a été diffusée au mois de septembre sur France Culture dans le feuilleton fiction Le Cercle Sauvage, un voyage en Amazonie équatorienne. Donc Anne Cibran, elle écrit des romans, elle écrit des textes pour enfants et des pièces radiophoniques. Et c'est une amoureuse inconditionnelle de l'Équateur, où elle vit d'ailleurs par intermittence entre la France et l'Équateur. Et avant d'aimer ce territoire, elle est d'abord tombée amoureuse d'une langue, le quechua, donc elle a appris à Paris. Et c'est en fait le fait de parler cette langue qui lui a ouvert les familles, les maisons, lors de ses voyages, et qui permet aussi, dans les deux fictions, Géographie du Purgatoire dans les Andes, et puis là, Le Cercle Sauvage en Amazonie, de nous faire accéder en fait vraiment à une intimité qui, moi, me touche beaucoup. On est vraiment aux antipodes du voyage touristique. On est dans un temps qui se déroule lentement. On est dans le rythme du conte, dans le rythme de la rencontre, dans les hasards qui font que ces deux fictions vont prendre un peu l'allure de méandres, de fleuves. Elle part d'un point et puis on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'elle va aller. Elle accepte que ce hasard fasse complètement partie de l'histoire. Et donc dans Géographie du Purgatoire, c'était vraiment un voyage onirique sur les hauteurs. Et puis là, on entre dans l'humidité, dans la forêt profonde. Et il y a aussi une dimension dans le Cercle Sauvage beaucoup plus politique que le premier, puisque finalement on y voit aussi l'engagement d'une écrivaine pour la forêt amazonienne. Évidemment, elle n'y échappe pas. Elle va voir de très près ce qui se passe là-bas, le danger pour les territoires, pour les ressources et pour évidemment les peuples qui y vivent. Et donc il faut savoir que l'Équateur, c'est un petit pays, par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, il fait à peu près la moitié de la France, pour donner une référence. Et on trouve vraiment des paysages sur un territoire très petit, des paysages très variés. de cette l'épinière des Andes, on plonge en quelques centaines de kilomètres vers le Pacifique ou vers la forêt amazonienne. Donc c'est tout naturellement que ce lien entre ces deux voyages s'est fait pour Anne Cibran. Elle s'est laissée dégringoler des pentes des volcans jusque cette forêt-là. Et ce qu'elle veut d'abord nous transmettre, c'est son émerveillement à la découverte de cette forêt. Trois bicoques, une vieille pompe à essence, un café-épicerie, quelques bancs claudiquants sous une bâche de plastique. Je n'aurais jamais cru que Puerto Canelos, l'embarcadère du pays de la cannelle, d'où sont partis tant d'expéditions en pays Jivaro, eût été si insignifiant. Ici, dans la jungle, la porte de l'aventure est modeste, une barrière de jardin. Caipi, caipi. Oui, attention de ne pas tomber, madame. Le piroguier veille sur chacun. L'embarcation ressemble à une gousse brune creusée dans un arbre géant. Tout s'y entasse sans restriction. Poules, chiots, régime de bananes, électroménager, sacs de riz, de ciment. Avec les hommes, les femmes et les enfants assis sur les caisses à l'arrière. Tu vois, les choses de valeur, on les enferme là dans les sacs en plastique, au cas où l'on chavire. L'Amazonie n'a pas de route, que le mouvement des fleuves. L'homme ne peut que s'y laisser emporter. Avant de partir, chacun s'enquiert du niveau des eaux, comme de l'humeur d'une personne. Ma voisine immédiate est une grand-mère, Sissa. Je m'appelle Sissa. Fleur en quichua. Moi, c'est Anita. Elle porte des bracelets de perles rouges, une paire de boucles d'oreilles en plumes d'ara. Avec les voltes d'une dentelle brune, dessinées entre les yeux et sur les joues, avec la sève des fruits du widouk. De cette féminité portée intacte au fil des ans, se dégage une lumière douce. Nous partageons nos cacahuètes et nos morceaux de pain. Imata ? Avec la vigie à l'avant de la pirogue et celui qui tient le gouvernail, nous sommes environ une quinzaine dans cette embarcation. Tous sont des Satcharuna de la région de Canelos. Évangélisés depuis des siècles, les Runas sont habillés à l'occidentale, mais la différence est très marquée entre les sexes. La coquetterie et la beauté des femmes est proverbiale dans la région. Nous, on appelle la rivière Pushkuyaku, le fleuve d'écume. Elle naît au pied d'une cascade qui lui donne cette mousse jaune. Pushkuyaku descend du plateau de Puyo aux plaines du Pastassa. Cachée sous une eau brune avec ses broderies de bulles où les graines s'agglutinent, les marches de pierre ne se voient pas, ce qui les rend si dangereuses. On redoute les passages, ces dévallées abruptes où le courant retourne l'embarcation ou la coince entre deux rochers. Mais aujourd'hui, la rivière est grosse. Les marches sont douces. Le long des berges, de petits affluents apportent chacun une couleur, une indolence couverte de feuilles, de graines crépues, de plumes d'oiseaux, tandis que les arbres nous saluent un moment et s'éclipsent. L'impression de percer un décor, glisser sous les tentures, les draperies, les rideaux. Le tracé vaporeux de la cascade, le front blanc de l'arbre fleuri, à chaque méandre, ce que je viens d'apercevoir disparaît. Et l'on dirait qu'une grande porte se referme derrière moi. Chaque fois, je me sens un peu plus loin des hommes, mais un peu plus vivante aussi. Assise dans le courant, je me penche irrésistiblement vers le prochain méandre, impatiente de découvrir, comme une page neuve, les femmes à la lessive. La peau luisante des enfants bondissant dans l'eau éclaboussée, tandis qu'une autre porte encore se referme dans mon dos. Donc c'est un extrait, c'est le début du troisième épisode sur les dix épisodes. Et on retrouve cette voie de narration très, très écrite, très littéraire, et puis dans laquelle se glissent des scènes de vie, des ambiances. Alors moi, ce qui me touche dans cette écriture, c'est les sens. On a l'impression d'être à sa place. Elle nous fait sentir, elle nous fait goûter, toucher et bien sûr entendre la forêt par ses descriptions. Et Anne Cibran le dit elle-même, ce sont des forêts de l'odorat, du corps, de l'audition. Elle est dans une attention extrême à ce qui l'entoure et elle n'hésite pas à nous faire part de ses émotions. Laure Egorov, avec qui je me suis entretenue pour préparer cette chronique, en parlant du travail avec l'actrice Chloé Réjean, qui interprète la narratrice, a dit « La langue de Anne est tellement riche, tellement éloquente, qu'il n'y a pas besoin d'une interprétation très, très engagée ». En fait, le travail avec Chloé Réjean était d'être à la bonne distance de l'émotion et de ne pas trop incarner, justement pour ne pas faire écran à cette langue de l'émotion. Et alors, un des fils, puisque là on a écouté un extrait du début, mais un des événements qui va marquer une rupture et qui va finalement devenir l'objet de la quête de Anne Cibran dans Le Cercle Sauvage, c'est un événement qui a eu lieu alors qu'elle était, elle était en voyage à ce moment-là en Amazonie, et c'est le massacre d'un groupe de Taro Menane, donc un des peuples de l'Amazonie, qu'on appelle non contacté, mais donc peuple isolé, où on peut... et un massacre par les Waorani, donc autre peuple qui... travaillent pour la plupart pour les compagnies pétrolières. Et donc, l'Amazonie est une zone de tension extrême où les massacres sont assez fréquents. Et de celui dont elle parle, deux petites filles seulement sont rescapées de tout un groupe. Et elle va se mettre en quête sur les traces de cette petite nomade, Taona. Et Anne Cibran... a été choquée au moment où les faits ont lieu du peu d'impact que cet événement a eu dans la presse. Et son écriture, c'est aussi pour porter cette histoire-là. Et elle se demandait comment porter cette histoire. Et elle s'est rendue compte que le factuel était assez impuissant et qu'en fait, elle dit qu'il faut témoigner par l'imprégnation, c'est-à-dire en célébrant la splendeur, en partageant cet émerveillement. Et elle dit essayer de ne pas se laisser contaminer par le désastre. Elle croise beaucoup de gens qui nient l'effet des compagnies pétrolières, qui disent ça n'existe pas, ou alors l'inverse, c'est trop tard, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Donc elle se situe vraiment entre les deux, et elle, pour elle, l'écriture est un moyen de réanimer, de renouer le lien avec le vivant. Simplement peut-être terminer en donnant une idée du défi que était réaliser Le Cercle Sauvage, puisqu'il y avait un casting de 40 comédiens à faire, la plupart non-acteurs. Vous avez entendu qu'il y a l'idée de respecter l'accent, enfin de faire entendre l'accent aussi pour donner cette musique à la langue. Et puis énormément de mixage aussi, puisqu'il y a Anne Cibran a ramené 95% des sons qu'on entend dans cette fiction, elle les a captés sur place. Et donc voilà, des ambiances de forêt, des chants, des scènes évidemment qu'il n'aurait pas été possible de reproduire en studio. Donc voilà, et donc Laure Egorov me disait que c'était aussi, ça a été un voyage de 3 mois aussi pour l'équipe qui a réalisé cette fiction. Voilà, donc je voulais remercier Laure Egorov et Anne Cibran puisqu'elles m'ont accordé un temps par téléphone pour pouvoir préparer cette chronique, et Anne Cibran qui est actuellement en Équateur pour un nouveau projet qui est celui d'arriver à faire classer la symphonie d'une forêt primaire en tant qu'au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, donc un autre grand défi. Voilà, merci. Notre rapport au son, toujours. Merci Déborah Gros. Et donc, après avoir écouté Déborah, qui a été, on peut dire, notre correspondante officielle pendant quelques années en Espagne et en Équateur, avant de revenir s'installer en France, eh bien on va écouter maintenant Alexandra, qui est, elle, on pourrait dire aussi, notre correspondante officielle en Allemagne. Et on a beaucoup de chance qu'elle soit venue ce soir. Et alors Alexandra, sur la radio allemande, sur la Deutschlandfunk Kultur, tu as écouté une création d'une artiste norvégienne Le lien avec la Norvège, c'est que, vous le savez peut-être, la Norvège a été le premier pays d'Europe à débrancher sa bande FM pour passer à la radio numérique terrestre. C'était il y a quelques mois. Et cette pièce de cette artiste norvégienne, Maya Urstadt, est une sorte d'hommage à la radio FM. Tout à fait. Wünschen kann man sich alles, dit-on en allemand. Tous les désirs sont permis. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de partager, pour le 10e anniversaire de Saint-Aune, un désir de coexistence. Coexistence, c'est un terme un petit peu froid, peut-être pour un anniversaire et pour des bougies qu'on souffle, mais vous emmenant dans des contrées germano-norvégiennes, j'espère que vous m'en excuserez. Maya Urstadt, donc, qui est une artiste sonore et visuelle, rend cet hommage à la bande FM qu'elle ne veut pas voir disparaître au profit du tout numérique, du tout stream. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite de parler de coexistence, parce que pourquoi pas pouvoir avoir de la bande, des ondes et de l'Internet. Und so, Sie haben es gesehen, es hat geblitzt und jetzt ist der Moment da. Tja. Tja. Vous venez d'entendre la retransmission télévisée de l'explosion et de la chute, fin septembre, des antennes radio de Hoesweiler en Allemagne. Une destruction mettant fin à 80 années de radiodiffusion en ondes moyennes. Ce fragment correspond symboliquement au point de départ du travail de Maya Urstadt. Car c'est donc à l'annonce de la suppression de la bande FM dans son pays natal que Maya Urstadt entreprend de réaliser une création sonore en mettant en évidence la beauté de la transmission par les ondes, une beauté subtile faite de soi-disant défauts tels que les interférences. Elle choisit alors de retravailler des archives sonores de la Deutsche Welle, un équivalent de RFI, une radio donc allemande de diffusion en ondes courtes créée au début des années 50, à Bonn, la capitale de la RFA pour les compatriotes exilés. Zu Goethes Zeiten konnte man behaglich sein Pfeifchen rauchen und sich des Friedens freuen. 24 heures à peine se sont écoulées depuis la mise en place d'un nouveau rideau de fer en plein centre de l'ancienne capitale allemande que la propagande communiste de Berlin-Est se réjouit des mesures prises avec un mélange de cynisme et de triomphe. Alors que le secteur oriental de la ville, le secteur soviétique... Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Schultz speaking to you from Cologne, Germany. 24 horas después de la creación de un nuevo telón de acero que cae en medio de la dividida capital alemana, los propagandistas comunistas de Berlín Oriental festejan la erección de las rigurosas medidas con una mezcla de cinismo y de sádica alegría. La thèse de Maya Urstadt est simple. La radio analogique, c'est ce médium qui sollicite l'imagination. Et elle le met en évidence en compilant un format journalistique, en le triant, en le transformant. Et elle nous propose donc, selon elle, un voyage de langue et de signaux radio. Un voyage où rythme et langue coexistent sans nécessité de traduction, des voix d'hommes, puis plus tard dans ce voyage temporel, des voix de femmes amènent peu à peu l'auditeur à s'éloigner de l'Europe et de ses langues familières pour découvrir l'ensemble du monde. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű adásunk... Szóti Almánia fi kolónia, fe ohajjikum ezmele tahia sákiraten ijjakum ala rasailikum. Vaha innani ujibu alaiha, fe abdau awalan bi risalati szeyid Abdelrazzaq Qabbaza min Halab, fe a'limuhu bi anana arsalna lahul ajwiba ala risalatihi dimna risalatin. Műsorunkat Kölnből minden nap délután 15 óra 20 perctől 15 óra 5 gare froide, voix posée, nasale et articulée de speaker relatant à force d'adjectifs le danger communiste. Maya Hurstad de cette époque des années 50 serait-elle nostalgique? Serions-nous nostalgiques, ceux qui réclament toujours d'avoir de la création sonore ou des essais sonores sur les ondes? Serions-nous des dinosaures? Peut-être bien, peut-être que certains dinosaures sont parmi nous dans cette salle ou derrière le poste de radio. En tout cas, tout dépend de l'endroit du globe où on se trouve. Qu'est-ce qui nous motive à faire l'expérience de la radio à l'autre bout du monde? Nous sommes une foule d'individus, tous plantés là, sur cette même planète, tous branchés pour occuper des nuits solitaires, voire pour s'informer. Car en 2012, il n'est pas toujours possible sur l'ensemble du globe, malgré tous les streams du monde, d'être convenablement informés. L'information n'est qu'une partie de ce que nous offre la radio, de ce que nous voulons bien en faire. Dans le monde arabe, par exemple, Internet ne facilite guère plus l'accès à l'information. Pour les gouvernements régionaux, la désinformation est de mise. S'il n'avait pas eu la mauvaise idée d'entrer dans le consulat de son pays d'origine en Turquie, le journaliste Jamal Khashoggi aurait eu à cœur de développer, probablement, je l'imagine bien, son idée de média transnational visant à informer son public, le monde arabophone, désinformé mais informé. Maya Hurstad superpose les annonces, opère des redondances donnant une impression d'élongation du temps. Elle se joue du morse, des jingles et rituels radiophoniques. Elle dépasse les temps historiques et politiques pour créer une œuvre originale à partir d'une pléiade de formats et de sources. À l'heure où il semblerait que le dimanche soir pendant une heure soit la seule façon d'écouter de la création sur une onde de grande écoute française, eh bien ce serait ça, ce désir de coexistence, de pouvoir nous laisser être là, respirer, écouter, diffuser. Heureusement, rien n'est laissé au hasard avec Maya Hurstad et Zeit, Ton, Passagen, est aussi une installation sonore et visuelle à visiter d'ici le 31 décembre à Bonn, c'est pas si loin, berceau de la Deutsche Welle, et ainsi la boucle est bouclée. Merci. Merci Alexandra Bareil pour ces ondes venues d'ailleurs, toujours très propices à nous décloisonner un peu de notre francophonie. Clément, c'est à toi. Alors Clément, il y a quelques temps, quand on travaillait sur cette soirée, je me suis souvenu que tu nous avais dit avoir accroché un documentaire de Marc-Antoine Granier réalisé par Lionel Quentin qui s'appelle Total Désir. Alors quand il s'est agi de travailler sur le désir de son, c'est revenu. Et c'est de cela dont tu vas nous parler ce soir. Oui, c'est ça, c'est Total Désir de Marc-Antoine Granier et Lionel Quentin. Personne ne sait quel feu va brûler en nous. Ces parcs, ces bancs publics, ces impasses, ces allées d'immeubles. Même parfois un champ au milieu de la ville. Il est parti avec ses textes qu'il a récités la nuit avec son micro en arpentant la ville, seul pour prendre le temps de l'écouter, d'enregistrer cette ville, sa ville. un prétexte pour lui confier ses mots dans ses espaces cachés, ses interstices, ses tunnels et ses parkings. L'élu de son enfance où il a traîné, gamin et pré-ado, ces espaces où il a découvert l'existence du désir. Quand j'avais 11 ans, j'ai beaucoup parcouru les rues de ma ville. Je m'ennuyais, j'observais les choses, les gens. Et puis un jour, j'ai rencontré un garçon. Il avait le même âge que moi, à peu près. Avec lui, j'ai fait mes premières expériences sexuelles dans les sous-sols de la ville. On s'est donné du plaisir. Il m'a masturbé. Ça a duré quelque temps. Avec lui, j'ai découvert le désir. Et puis un jour, il est parti. Il est parti et pendant longtemps, j'ai voulu oublier cette histoire. J'avais comme un peu honte. J'avais ressenti un trouble. Comme si c'était le mauvais chemin de ma construction d'homme. Pourtant, j'avais beaucoup d'attirance pour les filles. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une force, cette expérience. Ce garçon, je l'ai revu quand j'avais 25 ans. Il était devenu une très belle femme. Total Désir s'ouvre sur les premiers troubles, les premiers souvenirs, ce qui reste, qui marque, ce que l'on veut parfois oublier, Et puis quatre autres personnages au grain de voix, aux âges et aux trajectoires bien distinctes reviennent à leur tour sur leur rapport au désir et à ces infinies variations, le désir de peau, celui d'être désiré, le désir de l'autre qui nous écrase, celui qui prend trop de place, le désir frustré auquel on renonce. Ces récits intimes dissonnent ou se répondent et dévoilent par fragments l'incroyable palette de ces tensions désirantes sans parler frontalement de sexe. Tenter de raconter le chemin qu'il y a entre le rien et l'aboutissement, confié Marc-Antoine Granier, auteur de radio et compositeur. Alors loin d'une collection de témoignages sur la sexualité dont la radio et le web regorgent abondamment, Total Désir aborde ces envies qui nous ont traversées et qui nous traversent, et qui nous traversent malgré nous, et comment elles sont vécues et nous transforment. Le potentiel subversif et dérangeant du désir réside dans son surgissement même, quelle qu'en soit l'issue ou sa réalisation, et certains témoignages abordent des territoires tabous, comme le désir que peut ressentir un enfant, ou le désir qui peut exister entre frères et sœurs. Horizontalité du désir qui se tisse entre les corps. Pour l'auteur, c'était aussi une manière de poser une parole différente autour de la notion de désir et sa construction. Moi, j'avais envie de poser une parole d'homme, en fait, autour du désir. Voilà. Je crois que, tu vois, politiquement, en ce moment, c'est difficile, quoi, de parler de désir. Et pour les hommes aussi, je trouve qu'il y a un côté de se mettre en avant sur nos propres désirs. C'est devenu aussi quelque chose de... Et à juste titre, sur plein de trucs. C'est devenu... il faut qu'on trouve d'autres chemins, quoi, justement, pour en parler ou pour s'affirmer. Et moi, j'avais envie de poser ça. Je trouvais que ma petite histoire, elle était plutôt singulière dans le fait de pouvoir la délivrer autour de ces notions de désir. Alors trouver d'autres chemins, d'autres formes pour parler du désir sans jugement ni a priori, être à l'écoute, c'est ce que fait Marc-Antoine Granier, que ce soit dans la ville, la nuit ou jusqu'au fond de la forêt où il est parti enregistrer le brame du cerf, parade amoureuse animale incroyablement sonore. Mmh. Alors, capter lors de longues nuits d'enregistrement, les ambiances, qu'elles soient brutes ou recomposées, laissent vraiment la place à l'introspection dans son documentaire et provoquent entre deux fragments de récit ou deux textes poétiques une réflexion en miroir sur nos propres désirs, ce qui nous trouble, ce qui nous meuve. Et puis vient le moment que l'on redoute quand la flamme parfois faiblit et que le désir s'estompe comme il est venu, sans prévenir. Ça a commencé par cette petite boule dans le ventre, ça ressemblait à de la terre qu'on malaxe en permanence, une sorte de terre argileuse qui, au début, est très agréable au toucher, et puis si elle sent que tu faiblis, elle se durcit petit à petit. Le tendre de la matière manque, on a envie qu'elle continue à épouser la forme des mains, de pénétrer entre nos doigts, de la sentir de plus en plus chaude, qu'elle glisse dans les lignes de chair comme un torrent dévorant un lit. Mais quand elle commence à durcir, c'est là où ça blesse. Au début, tu te dis que tu vas pouvoir la ranimer. On a vécu des trucs quand même. On vient pas de rien. Tu te dis qu'au lieu de l'entretenir avec ta main, c'est tout ton corps qui va s'y mettre. Tu vas te rouler autour d'elle, autour de cette petite boule. Lui faire sentir cette peau. Lui rappeler à son souvenir juste un instant de peau, de ligne de main. Et même que tu serais prêt à la prendre dans ta bouche pour la rendre plus humide. Mais elle est toujours là, au fond de ton ventre, à se déformer de moins en moins, caressant l'idée qu'elle serait bien installée à un endroit fixe où elle pourrait durcir son corps et devenir pierre. J'ai alors demandé à Marc-Antoine Granier comment garder la flamme, comment lui, il entretenait son envie de fabriquer, de faire de la radio, comment il entretenait son désir de son, puisque c'est ça dont il est question ce soir. Et alors, il m'a parlé d'une émission hebdomadaire sur Radio Canu à laquelle il participait. C'est le Radiozine Mégacombi qui s'est arrêté l'été dernier, après 10 ans d'existence. Mégacombi, ça aidait aussi. Je sais que c'était un moteur, en fait, pour gagner une certaine forme radiophonique, Et du coup, j'ai envie de trouver encore des choses comme ça, des ressorts. Bah là, on essaye de monter peut-être une nuit de la création sonore avec Olive. Alors, ça va se faire sur Radio Canu, sûrement. Après, peut-être une autre nuit. Mais en tout cas, c'est des petits événements où il n'y a pas d'histoire de thunes ou d'argent, mais où on continue à être en lien avec des gens, à faire des rencontres, à balancer du son des autres. Et ça me motive pour garder une certaine flamme, parce que ces espaces-là, ils sont hyper précieux et j'ai plutôt envie de les maintenir en feu, quoi, en tout cas. Les espaces des radios associatives, en quelque sorte, plutôt joueuses. La radio, ça ne se fait pas tout seul, quoi. C'est une équipe, c'est des collectifs, c'est des gens autour du son, autour de l'amour du son et de l'imaginaire. Les copains de radio, quoi. Les copains, copines de radio, ça c'est une expression que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup, qui résonne. Et Total Désir nous rappelle ça aussi, que la construction de nos désirs, comme la fabrication de la radio, ça excite nos imaginaires et ça reste quelque chose de profondément relationnel et collectif. Total Désir, c'est une pièce de Marc-Antoine Granier et Lionel Quentin qui a été diffusée le 7 mars 2018 dans l'émission Création en air et elle se réécoute en ligne sur le site de France Culture. Voilà. Merci Clément. Et je voulais juste aussi préciser que la Mégacombi c'est fini, mais que les membres de la Mégacombi ont relancé une émission à la rentrée, toujours sur les ondes de Radio Canus à 18h, et ça s'appelle Mayday. Voilà, c'était juste préciser ça aussi. Ok, merci beaucoup Clément Baudet et Déborah et Alexandra pour leur proposition d'écoute. Et puis c'est une question qu'on se pose souvent à nous dans la rédaction. Et toi, t'écoutes quoi? Et toi, t'écoutes quoi? Moi, c'est un slogan que j'ai vu aussi il n'y a pas très longtemps sur une affiche plutôt bien faite du Paris Podcast Festival. Et toi, t'écoutes quoi? Ça m'a inspiré un petit poème. Et toi, t'écoutes quoi ? Et toi, t'écoutes quoi ? Mais moi, c'est plus t'écoutes quoi qui m'intéresse. C'est t'écoutes combien ? C'est combien j'écoute ? Parce que tu vois, moi, j'écoute cher. Moi, j'écoute un pont, moi. Moi, j'écoute bonbon. Et toi, t'écoutes combien, toi ? T'écoutes 3 fois rien. Toi, t'écoutes 3 francs 6 sous. Tandis que moi, moi, j'écoute un bras, moi. Moi, j'écoute la peau du cul, moi. Toi, t'écoutes que de chi. Toi, t'écoutes des queues de cerises. Au mieux, t'écoutes des prunes. Moi, je vais te dire, j'écoute les yeux de la tête. Non, mais c'est vrai qu'il y a une crispation en ce moment autour de l'argent. On l'a vu avec les débats sur le podcast, justement, les clashs qu'il y a eu entre les nouveaux et les anciens. Bon, depuis longtemps, on va pas se mentir, il y a la précarité qui gagne de partout. Tout le monde s'est habitué à ce qu'on ne peut pas vivre de ce métier, ou alors vraiment, ça concerne très peu de gens et de moins en moins. Mais quand même, j'ai l'impression, bon, c'est mon avis personnel, hein, il y avait quand même l'idée qu'il existait une bulle, un îlot, pas super confortable, mais quand même encore préservé. Mais là, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment l'impression que le capitalisme a mis le pied dans la porte. Il y a des nouveaux acteurs qui produisent du contenu pour des marques, le service public également. Je rappellerai l'opération France Inter avec Disney, c'est au mois de juillet. Donc il y a une libération de la parole dont certains médias parlent à propos de l'effervescence des podcasts, qui est une effervescence réelle. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une libéralisation, pas qu'une libération, une libéralisation de la création sonore. Et on a peut-être à réapprendre de ce qui s'est passé au moment de la libération de la bande FM, il y a plus de 35 ans, qui a été aussi une libéralisation. Et trouver de nouvelles façons de se mobiliser, de se structurer, de coopérer pour résister. À réfléchir. Jingle. Symptômes à 10 ans. Désir de son. Désir de son. Les bruits diégétiques, les bruits charnus, les bruits hégémoniques, la rumeur du ressac battant invisible dans la nuit, l'effet narcotique du bruit, l'écho primitif des renards. Attention au bruit corporel. La pensée fait du bruit, disait Artaud. Le bruit blanc, le bruit rose. Le fer de la clé racle le métal de la serrure. Le mécanisme se déclenche avec la sécheresse du couperet. Les gonds de la grille grincent. Le bruit rassure en rappelant qu'au-delà de soi, le monde continue à exister. Un coup de tonnerre fait soudain trembler la bâtisse tout entière et l'écho s'en répercuta comme d'une dégringolade de charbon dans une glissière. Je préfère la radio au cinéma parce que l'écran y est plus grand. La radio est structurellement hallucinogène, en cela qu'elle place de fait l'auditeur en position de délirer. La liberté d'être avec quelqu'un sans le visage. Une manière de scanner le cosmos. Il ne s'agit pas de remédier à une absence, mais de créer une présence. Capable de loin de toucher au plus près. Un état étrange où des corps multiples se parlent, se touchent et s'effleurent dans un espace délimité par une durée, celle du programme diffusé qui passe dans l'air. Je ne fais pas ma musique, je retransmets les vibrations que je reçois à la façon d'un poste de radio. Les plaintes les plus lointaines sont inscrites dans la voix, le grain de la voix comme vérité d'être. Il existe des voix célèbres dont le visage n'existe pas. À la radio, on parle d'outre-tombe, on y est sépulcral. La voix est sans bord. Ce n'est plus telle ou telle bouche qui la gaine. Elle s'enfle, se répand confusément dans l'espace. Peu de voix imposent autant que la sienne l'évidence d'une texture radiophonique, au sens où les sons qui s'échappent de sa gorge profonde comblent l'auditeur suspendu à ses calmes oscillations. Une voix peut porter jusqu'à 17 km dans des conditions acoustiques maximales, dans une zone au calme, et pendant la nuit. J'aimerais avoir une voix facile. Il y a des gens qui parlent sans se forcer, qui font des sons. Une belle voix de radio est à la hauteur de l'individu qui la porte. Avant l'enregistrement de son émission, Antonin Artaud souffrait d'une angoisse de plus en plus forte devant sa voix dérobée. Le risque métaphysique était écrasant. Sa voix allait à jamais être restituée comme la présence hallucinatoire de quelqu'un d'autre ou d'un dieu. Dieu a-t-il pris le dessus, reprenant son souffle à Artaud, en transformant la voix en un objet morbide et balançant cet objet dans le monde, une voix toujours condamnée à errer sur les étendues infinies et terrifiantes des ondes. Quand j'entends des voix, je respire des odeurs. La voix a une odeur. Elle a une masse, elle a une épaisseur. On la sent au bout des doigts. L'effet binaural est uniquement valable pour une réécoute de la lecture de Saint-Aune au casque, puisque une lecture de Saint-Aune qui provient d'une enceinte sera filtrée une nouvelle fois par la tête et les oreilles. La distance d'écoute pour la lecture de Saint-Aune est déterminée par la taille du lieu et la puissance des haut-parleurs. À titre indicatif, on pourra se souvenir de la règle logarithmique selon laquelle on perd 6 décibels à chaque fois que l'on double la distance avec la lecture de Saint-Aune. Sur le papier, les casques audio semblent restituer sans problème les fréquences les plus basses de la lecture de Saint-Aune. Pourtant, la sensation au casque de la lecture de Saint-Aune n'a rien à voir avec une vraie sonorisation, car cette partie du spectre audible de la lecture de Saint-Aune est davantage ressentie avec le corps qu'avec les oreilles. En revanche, des séances d'écoute de la lecture de Saint-Aune, combinant casque et caisson de basse, peuvent donner des résultats magnifiques. Merci. Et merci en passant à Luc Ferrari, René Farabé, Pierre Desproges, Alain Weiss, John Cage, Caroline Stockhausen, Malcolm Lowry, Orson Welles et Jean-Michel Espitalier de m'avoir prêté quelques mots. Voilà. Merci Pascal Mouner pour ce collage de phrases extraites de Saint-Aune et d'auteurs et quelque peu manipulées, mais ça nous donnera peut-être l'occasion de revoir un peu nos slogans. On va passer au deuxième moment d'écoute, au deuxième avant-première. Alors c'est une avant-avant-première parce que c'est un work in progress. C'est une version qui nous a été envoyée spécialement pour nous ce soir. C'est Félix Blum et qui est ici en duo avec Sarah Lana. Et tous les deux, ils ont concocté une création sonore dans un tout autre registre que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. C'est pour ça que nous sommes dans une émission de variété. Ça pourrait s'appeler, car le titre est aussi provisoire, ça pourrait s'appeler « Tous les buts du monde » ou encore « Radio World Cup ». Et ça a été fait à partir d'une soixantaine de radios, une soixantaine de commentateurs sportifs de divers pays enregistrés pendant la finale de la Coupe du monde de foot en juillet dernier. Brozovic, Rakitic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic. Le football, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. My dear listeners, mega final, Capital FM Studio MTK. Comienza la grandísima final, el Lundiki pone la pelota en juego, Mario Mandzukic, final de la Copa del Mundo de Fútbol. Mimenito Buffon pia kakazema. Aitra bego fana kwa shoka Jofre Mamboro nyombe nyingi tuza ya sana sana chance langa na sana kwa mama Wiji. Bapak kiri mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan ada Benjamin Papat. Papat tarik ke belakang lagi. Тем не менее, вот сейчас момент исполнения штрафного варана. Все-таки раздался свисток об окончании первого тайма. Франция пока побеждает. А что с Эшефилой Питана? А просыпано твой за гол! Лебле! De Francia! Pelote, la red. Francia 1, Croacia 0. Las patatas del abuelo son tan buenas. Gol da França. Griezmann cobrou falta. Vamos ver quem desviou de cabeça. Acho que foi contra. Falta na entrada da área pela meia direita, Griezmann. I would say once again. Oh, Inter vem por aí, Croácia, hein, rap. คือป็อกบาเนี่ยไม่รับ เลยครับ แต่ที่โครเอเชีย โอ้โหมานซูคิชกระโดดมงแบบสุดตัวแต่ว่ าเอ๊ะเซมิเทนิโกยังบุฟนิโกฟูลิกเ อาลี รัจุคิยาเอฟเอ็ม อาลี ดูแลเบคุระทูบุลู Mais l'arbitre arrête le jeu parce que un des joueurs croates est blessé. Il me semble que c'est Perisic qui est blessé. Il est à terre. Ha cercato di girare verso l'incrocio dei pali opposto. Non è riuscito però ad indirizzare il pallone all'interno dello specchio della porta. Morale siamo. Vrsaljko glavom na Mandžukića. Mandžukić još glavom. Tu je puno dodavanja. Perisic traži prostor. Perisic. Golasso! Golasso dentro! Perisic da Tartero. Ivan Perisic. França 1. Croácia também 1. Balafon, Rádio Balafon. Célébrer tous les buts de la Coupe du Monde Russie 2018 avec Las patatas del abuelo. My dear listeners, welcome back once again. Apni Shunshan Capital FM 94.8 Fun Commentary Capital FM Studio. Theke Rashid Imam, Jahan Arunno, Nafis Redwan. Oh ho, สุดยอดครับก็โอ้โหครับแต่ว่าเกมนี้ได ้ Plus même dans chaque action, il faut que ça passe. Ça veut dire Doris. Esse texto é da squadra francesa. Preparam-se as garrafas de champanhe. A França vai abrir o champanhe. Vai... E se termine! Se termine! Termina o jogo! Final! França campeão! França campeão! La joie de gloire! Vive la France! Viens d'un triple! Si vous ne cherchez la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. Voilà une création en cours de Félix Blum et Sarah Lana. Et on va passer à notre deuxième séquence invitée avec Pierre qui va nous présenter l'émission Stalingrad Connection. Ouais. Félix Blum, il sait toujours nous surprendre. Là, c'est encore réussi, j'ai trouvé. Mais bon, on va parler d'un sujet un petit peu plus préoccupant. Étienne parlait tout à l'heure des sujets qui nous préoccupent à Saint-Aune. Il y a des sujets sociaux qui nous préoccupent énormément. Alors si je vous parle de l'Aquarius bloqué à quai à Marseille, de l'Italie qui se tend vers le fascisme, ou des exilés maltraités à Paris, Calais ou encore sur le sentier des Alpes, eh ben, on voit très bien une situation qui se tend en Europe, une Europe qui fait un naufrage moral par rapport aux personnes qu'on appelle les migrants. Et à Stalingrad Connection... Il donne une autre voix et c'est pour ça que c'était important pour nous de les inviter ce soir. Donc Stalingrad Connection, c'est une émission qui est diffusée donc sur Fréquence Paris Pluriel Et en ce soir, on accueille donc Margot, Hassan et Antoine qui fera la traduction donc pour Hassan, puisque Hassan s'exprimera en anglais. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette émission, Margot? Est-ce que tu peux nous dire? Donc Stalingrad Connection est née il y a 2 ans au moment du démantèlement de ce qu'on appelait la jungle de Calais, donc le campement de personnes réfugiées au nord de la France qui essayaient de passer en Angleterre. Donc ce campement a été démantelé et tout le monde n'a pas pu être mis à l'abri et tout le monde n'a pas voulu non plus être mis à l'abri de peur de voir les chances de passer en Angleterre totalement disparaître ou de peur d'être mis à l'abri dans une structure où il y aurait des contrôles qui conduiraient à un retour à la frontière ou à un retour dans le pays qui avait été fui. Donc beaucoup de gens sont arrivés à Paris ou revenus à Paris. Et à Paris, il y avait à cette époque aussi un autre campement sous la ligne du métro aérien, la ligne 2, qui s'étalait sur toute la longueur de la ligne 2 et aussi sur l'avenue de Flandre, avec comme point central la station Stalingrad. Et pourquoi ce campement se trouvait là? Parce que c'est le quartier de Paris où se trouve la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, qui est la première étape. Lorsqu'on veut déposer une demande d'asile en France, on doit aller prendre un rendez-vous à la PADA. Et la queue est infinie, il faut y arriver très tôt et ça prend plusieurs semaines. Donc on a intérêt à camper à côté pour avoir une chance d'obtenir une place. Et donc une semaine après Calais, le camp qui était à Paris a grossi et c'est ce camp-là qui, une semaine après, a été lui aussi démantelé. Et donc, à Stalingrad Connection, on a eu l'idée de monter une émission de radio parce que les personnes qui se sont retrouvées séparées les unes des autres, éloignées des associations qui leur apportaient une aide juridique pour constituer leur dossier, éloignées aussi des associations qui avaient un certain discours politique critique vis-à-vis de la politique migratoire française, des associations qui donnaient aussi des cours de français. Toutes ces personnes se sont retrouvées isolées et donc on a voulu recréer un peu du tissu de solidarité qu'il y avait à Stalingrad. Ouais, c'est important de dire que vous avez une autre démarche que la plupart des journalistes qui se contentent de recueillir des récits de vie de la part de ces personnes donc qu'on appelle migrants, mais vous leur donnez un espace d'expression politique et même c'est eux qui font l'émission. C'est vraiment une co-construction. Et donc Hassan, tu pourrais nous parler de ça, du fonctionnement de l'émission. Stalingrad Connection is a different kind of a group collective where a migrant, a refugee or asylum seeker can come and act, be like a journalist, work as a journalist. Stalingrad Connection est un peu particulier parce que c'est un espace pour des demandeurs d'asile, pour des personnes exilées, où ils peuvent être journalistes, créer leurs propres programmes dans leur langue et des programmes, par exemple, pour donner des informations, pour renseigner par rapport au fonctionnement de l'administration, comment faire ces demandes d'asile. Et ceci permet en fait de faire venir une parole qui vient des exilés, qui s'adresse aux exilés. In our group, there is not a difference between an exiled or non-exiled person, that everybody has the same role, playing their role. For example, we do different languages in a program, two or three language in a program, and for example, if that is in Dari or that is in Urdu or Arabic. So dans Stalingrad Connection, il n'y a pas de différence entre les exilés et les non-exilés. Les tâches sont réparties à égalité et les émissions se font en plusieurs langues. Il n'y a donc pas de distinction entre les exilés et les non-exilés. Alors il y a une chose importante aussi dont on a discuté pour préparer cet entretien, c'est que vous posez beaucoup de questions dans l'évolution de l'émission. Alors déjà, elle change de format, c'était une émission hebdomadaire, aujourd'hui elle passe à un format mensuel. Et cette chose-là, c'est pas qu'une histoire d'engagement prenant pour tout le monde, c'est aussi une histoire politique. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Hassan ou Margot? Je sais pas qui veut répondre là-dessus. Au début, donc, comme disait Hassan, on a commencé à faire du contenu très informatif. Et de plus en plus, donc on était diffusé deux fois une demi-heure par semaine sur FPP. Et pour notre troisième rentrée, puisque c'est notre troisième rentrée, on a décidé de passer à une heure par mois, ce qui change totalement les choses dans le contenu et dans notre démarche. Et comme disait Hassan, on essaye de faire en sorte que l'équipe soit mixte et que les rôles soient aussi bien répartis, que les personnes migrantes ou demandeuses d'asile ne soient pas juste là à titre de témoin pour expliquer leur situation, mais puissent aussi prendre le micro pour être journaliste, rédiger une chronique et avoir la main sur la ligne éditoriale comme nous tous. Et en fait, ça demande énormément de temps, énormément de remise en question. On n'est pas toujours parfait sur notre démarche. Et en fait, faire une heure par mois, ça nous permet aussi de beaucoup plus travailler sur cette question de collectif et de partage de la parole. I think the timing and the duration of the program, it was once a week. And now it is once a month because it is a huge work because me and Margot, we are not... professionally in radio, I was an English language teacher. She worked somewhere else, so it needs a lot of work. Like the information that we collect from Paris or from the migrants or the problems they have. Alors, si on a décidé de passer à une fois par mois, c'est aussi parce que ça demande beaucoup de travail, de collecter les informations, de les organiser, des informations qui viennent de Paris et d'ailleurs, qui viennent des personnes réfugiées. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. En plus, moi, par exemple, j'ai pas toujours fait de la radio, j'étais professeur d'anglais. Voilà, donc finalement, on a préféré passer à une fois par mois et faire un programme de bonne qualité qu'à une fois par semaine, quelque chose pas toujours au top. Et oui, ce que je voulais ajouter, c'est que donc au début, on avait une démarche où on voulait vraiment fournir des informations de base et de première nécessité aux personnes qui se trouvaient avant à Stalingrad. Et on a décidé de aller davantage en profondeur et de se politiser davantage, d'avoir un discours beaucoup plus militant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on suivait le mouvement de beaucoup d'associations à Paris et dans d'autres villes de France. Il y a beaucoup de gens qui même travaillent dans l'urgence au quotidien auprès des personnes qui sont à la rue et qui se disent en fait qu'à chaque fois qu'elles distribuent une couverture et que le lendemain elle est prise par la police ou que les tentes qu'elles distribuent sont, comme ça a été le cas tout l'été, aspergées de gaz lacrymogène tous les matins par la police, que c'est important non seulement de continuer à distribuer des couvertures et des tentes, mais en plus d'accompagner ça d'un discours critique et d'une sensibilisation auprès des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et que c'est assez fatigant et lassant et désespérant d'avoir à distribuer des choses dans la rue en sachant que la situation ne va pas profondément changer. Et donc il y a énormément d'associations de terrain qui faisaient à la base un travail purement humanitaire, qui se sont clairement politisées au fur et à mesure de l'année passée. Et c'est le même mouvement qu'on a épousé ensemble. I just want to add something about the program about OFRA. It was a different program. It was different from all other programs because the first time we interfered in the French system, how does it work, and explaining and giving interviewing people who are going in OFRA, coming out, what they do there, how the interview takes place. So it gets a little bit political. And I think we think that the problem of migration in Europe, the problem of migration, it is totally political because that is the politicians, there is the governments, they decide who, how, when, and how many should come. Alors, l'émission précédente qui était sur l'OFPRA, on a notamment expliqué dedans comment fonctionnait cette institution, quels étaient ses paradoxes, quelles étaient les choses qui n'allaient pas, et on a essayé de questionner la manière dont ils interrogent les personnes réfugiées pour décider si oui ou non ils leur donnent le droit d'asile. Mais de toute manière, le problème, la question de la migration est politique, car ce sont les gouvernements qui choisissent qui peut rester, qui obtient un droit d'asile, qui est déporté, qui a une demande refusée, etc. Mais aussi, d'un autre côté, juste avant, j'avais fait un programme sur les populations Hazara, qui est une ethnie qui est persécutée en Afghanistan. Donc en fait, on traite à la fois les problèmes des réfugiés, mais pas que forcément sur un point de vue de témoignage, ici à Paris, mais aussi ailleurs, de pourquoi ils viennent. Donc c'est assez global. Pour finir cet entretien, on va peut-être donner des infos pratiques. Alors, donc, c'est sur FPP 106.3 de 11h à midi tous les... un lundi sur deux. Pardon. Donc pas tous les lundis parce qu'on a changé de format justement. Et on a aussi un audioblog sur la plateforme d'audioblog d'Arte Radio. Très bien, mais merci, merci d'être venu. Merci Margot, merci Hassan, merci Antoine pour la traduction. On s'envoie peut-être un petit bout de générique pour enchaîner, donc le générique de Stalingrad Connection pour se mettre dans l'ambiance, et on continuera à parler de démarches collectives parce que ça c'est important pour nous aussi à Saint-Aune, que la radio se fasse en collectif, et on essaye de ne pas oublier ce point-là aussi. Voilà, donc après vous retrouvez Étienne avec son invité pour parler donc de RNT associative. Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées. Pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection. Stalingrad Connection یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بیجا شدگان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانین ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراد کنکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان می توانین با فالو کردن پیج استالینگراد کنکشن در صفحه Stalingrad Connection, ouais, une radio multilingue, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, c'est un travail assez fou au niveau des langues pour pouvoir s'exprimer à toutes les personnes concernées. Et oui, on va continuer sur, et on va finir en fait sur une dernière séquence invitée autour d'une question de collectif, ouais, encore, le projet d'une radio associative nationale sur la radio numérique terrestre. La radio numérique terrestre, ce n'est pas très glamour comme sujet. On a un peu évoqué tout à l'heure. De quoi on parle ? On parle d'une nouvelle, bon, plus très nouvelle, mais quand même assez récente, technique de radiodiffusion qui passe par les ondes hertziennes, comme la FM, mais qui transmet un flux numérique et qui peut donc véhiculer beaucoup plus de stations. Et alors, au sein des radios de tout type, que ce soit public, privé, commercial, et dans les privés commerciaux, il y a les grands groupes et les indépendants qui ne sont pas d'accord. Les radios associatives, alors le sujet a beaucoup divisé. Des radios libres, pendant un temps, se sont farouchement opposées à ce système, beaucoup plus coûteux que la FM, surtout s'il faut envisager une double diffusion, qui nécessite la création d'une société commerciale pour pouvoir émettre, ça s'appelle le multiplex. Mais certaines radios associatives, comme à Marseille, comme à Nantes, se sont regroupées et ont donc innové en se regroupant pour démarrer la diffusion au niveau local. Alors à Saint-Aune, le sujet a non pas divisé, mais nous avons été très prudents sur la question de la RNT, qui est à la fois un sujet intéressant parce qu'il est censé garantir la pluralité des acteurs en ligne, contrairement aux d'autres types de diffusion numérique qui sont la diffusion par Internet, qui passent à travers des fournisseurs d'accès, des opérateurs de téléphonie mobile commerciaux. Donc garant de pluralité, si bien sûr cela est fait correctement. Mais voilà, qui pose certains problèmes. Et donc là, aujourd'hui, après avoir lancé des appels à candidatures localisées sur des villes et des grandes agglomérations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient de lancer un appel au niveau national. Et donc j'ai invité Nicolas, qui est venu en tant que citoyen, en tant que cheville ouvrière d'une candidature associative sur cet appel à candidature du CSA. Ma première question, c'est ton point de vue sur la RNT. Alors, il va falloir faire vite, je crois, hein, parce que le temps presse. Bonsoir. Moi, je voulais vous parler de hasard cosmique, de temps, d'espace, d'alignement de planètes, voire même de nouvelles frontières et de Far West. Mais mon avis sur la RNT, c'est tout simplement Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Moi, je crois qu'on... Ouais, je parlais d'opportunisme. On est sur les ondes, il y a un appel. La nature humaine a horreur du vide. Si effectivement, on ne présente pas des projets comme collectifs, etc., avec sûrement des économies et des choses à inventer. Mais vous avez évoqué beaucoup de choses ce soir. Je pense que là, on a une fenêtre. C'est une page blanche. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il me semble même que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a une obligation aussi de respecter la diversité des acteurs, radio commerciale, etc., etc. Bon, service public, c'est un peu... Pour la FM, en tout cas. Pour la FM, en tout cas. Mais bon, les règles sont les mêmes. Moi, j'aurais envie de vous dire, oui, avec les défauts que ça comporte, mais la FM a eu des défauts aussi. Le stream a des défauts aussi et des qualités, etc. Donc la question ne se pose pas. Je pense qu'il faut y aller parce que c'est... Voilà, le hertzien, c'est aussi une dimension. Moi, j'ai découvert assez tardivement une dimension du hertzien et des ondes que je considère aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même devenu mon motto, comme disent les Allemands, je crois. Non, mon motto, mon cheval de bataille, c'est de dire merde, ouais, le hertzien, c'est un bien public. Hein. Tiens donc, hein. Tu parlais de citoyenneté, bien public. Après, on va tomber dans des trucs démocratie, quatrième pouvoir, etc., etc. Mais là, on a une opportunité, effectivement, d'imaginer quelque chose ensemble. Alors là, on est en train de le faire. Enfin, alors avis à la population. Hein. Alors, du coup, ce projet, pour l'instant, donc il n'est pas encore rendu. Alors, il consiste en quoi et sur quoi vous avez travaillé, avec qui? Alors, sur quoi on a travaillé, bah, essayer d'écrire un projet collectif à 180 mains déjà, ou je ne sais pas combien, ce n'est pas évident. Alors, on va essayer de prendre les devants, on va essayer de laisser les choses les plus ouvertes qui soient, pour permettre à d'autres, ensuite, acteurs, je dirais, personnes morales, mais aussi personnes physiques, évidemment, de prendre part sous une forme associative. Alors, pour l'instant, on a un petit peu découpé les choses en trois. Je parlais d'alignement de planète, il y a une maison des médias libres qui est envisagée à Paris, etc. Pour faire vite, c'est marrant, à ce moment-là, d'un coup, on se rend compte qu'il y a l'appel aussi. Donc, ça pourrait être premièrement un espace pour des médias libres, il y en a de toute nature. Alors seulement à Paris ou comment? Non, alors ça c'est un autre point évident, il faut aller foutre les studios. Là, nous, on pensait créer l'association en question en Bourgogne, déjà pour symbolique, voilà. Symbole de quoi, le Bourgogne? Bah, symbole de je sais pas, moi, c'était des copains des Néerlandais, non, j'en sais rien, les Burgons. Non, enfin, pour pas le faire à Paris, justement, et pour essayer d'inviter, il y a plein d'acteurs, il y a les radios associatives, il y a les médias de proximité, il y a toutes les associations qui travaillent sur le terrain, de plein de sujets, de plein de choses. Éducation populaire. Ouais, éducation populaire, mais même éducation tout court. Enfin, on pensait à trois piliers comme ça, pour l'instant, on essaye alors, de les nommer, de faire simple, parce qu'il faut arriver à rendre une copie dans 15 jours. Et l'idée, c'est de faire voilà, donc un aspect vraiment média libre, un aspect vraiment éducatif au sens très large, et un aspect citoyen, et en sachant que ces trois choses, quelque part, doivent se mélanger presque tout le temps, et surtout laisser un espace vraiment le plus libre, le plus ouvert qui soit, à toute proposition, à toute mobilisation sur un sujet ou sur un autre. Il y a aussi une question de service public. C'est vrai qu'on voit un service public qu'on adore quelque part tous, dans le fond, un service public radiophonique. Et on sent bien qu'il est contraint aussi par une histoire, par un système, etc. Là, on a peut-être aussi l'occasion de créer une complémentarité, un nouveau service public. Ça, c'était une autre discussion aussi. Enfin, il y a énormément de discussions. C'est une vraie page blanche. Ça peut être un manifeste aussi. Ça va être compliqué de l'obtenir, cette participation à la radio numérique terrestre, surtout que ça a un coût. C'est un coût énorme, évidemment. Ça, on en parle toujours à la fin, mais c'est sûr que c'est important. Mais voilà, c'est un peu une opportunité, mais après, avis à la population. Hein, alors, qui peut participer? Comment on fait? Alors, qui est-ce veut? Est-ce que ce soir, dans la salle, il y a des gens qui peuvent se joindre au projet? Il n'est pas trop tard. Je veux dire, même après la date de rendu, il y aura certainement le projet à réaliser concrètement aussi. Comment participer? Comment faire? Bah déjà, se manifester, je crois, parce que moi, humblement, en tout cas, je suis incapable de mener cette chose-là tout seul. C'est pas le cas. Il y a des gens comme Irène Omelianenko avec l'Ador qui était là. Il y a Thomas Baumgartner qui a participé. Il y avait une dame et d'autres gens qui sont des producteurs plutôt de radio. Mais il y a aussi des associations. Il y a le mouvement associatif qui est un objet politique, mais qui va peut-être nous permettre de faire circuler cet appel à manifester. Un intérêt pour un média de cette nature-là, surtout qu'il n'existe pas. C'est vraiment un endroit où on peut tout imaginer. Et c'est vrai que la décentralisation, en plus, on a des outils aujourd'hui qui permettraient, par exemple, de faire des ateliers et ensuite des programmes. Quel genre d'outils? Je ne sais pas, de faire justement du stream. Mmh. Parce que l'idée, c'est le DAB, c'est bien, le DAB, Digital Audio Broadcast, Radio Numérique Terrestre, c'est bien, mais c'est juste, à la limite, un prétexte pour occuper déjà cet espace hertzien, ces ondes. pour ensuite développer, imaginer, et surtout imaginer, voilà. Enfin, moi, j'en sais rien, j'ai pas la solution, quoi. C'est tout, sauf... pas la... Voilà, le truc, c'est qu'on a une opportunité d'y aller, allons-y. Occuper l'espace public, ouais, des gens. Parce que sinon, d'autres vont le faire. Enfin, il y a 26 places. Alors, oui, c'est-à-dire des opérateurs commerciaux. Ouais, et puis ils ont raison d'y aller, évidemment. On critique la RNT depuis des années, on critique plein de choses, on a tous des abonnements chez les opérateurs téléphoniques et pourtant on veut du RTI, etc. Bon, là on a une opportunité, allons-y. À partir de demain, on va créer un formulaire en ligne, vous pourrez vraiment manifester, voilà, dire nous, moi, un tel, faire circuler l'info. Et pour l'instant, vous pouvez écrire jusqu'à ce soir minuit à individu@radiomne.com. D'accord. Ça, c'est pas personnel et tout et machin, ça sera une boîte individuelle. Elle existe, elle est créée. Oui, elle existe. Très bien. Elle est effective. Non, mais enfin voilà. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que tout ça est fragile, évidemment. Mais en même temps, il faut l'envie, il faut le désir, il faut se mobiliser. Moi, je me dis juste pourquoi pas. Hein. Enfin, on va pas risquer sa vie, en tout cas, le 21 novembre, quoi. Par contre, si ça marche. Bon, merci Nicolas. Et on va après un petit jingle. Je demande à l'équipe de me rejoindre. Sur le plateau. Désir de son. J'ai pas préparé de conclusion du tout. vous en avez une, vous ? Non, je. Si, en fait, la conclusion, c'est abonnez-vous à Saint-Aune. Non, on en revient à là, mais c'est. Mais en même temps, voilà, Voilà, ce qu'on fait, on le fait donc avec cette curiosité, ce désir qui nous anime et qu'on essaye d'entretenir. Et chaque retour d'auditeurs et d'auditrices, lecteurs, lectrices, nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Et bien sûr, pour avoir la possibilité de le faire aussi avec une certaine indépendance, on a besoin de la participation financière des lecteurs et des lectrices. Et c'est important. On va le dire, c'est notre première source de financement. On en est très fiers. C'est très précaire aussi. Il faut penser à se réabonner, tout ça. Enfin, y a des choses comme ça qu'on fait. Et bien, nous, on ne peut pas toujours le faire, mais peut-être on peut convaincre son voisin, sa voisine, etc. Voilà, donc... Pierre, tu merci, Étienne, et bon anniversaire, j'ai envie de dire. Parce que Saint-Aune, c'est un peu... C'est un peu ton bébé, c'est un peu ce que tu as porté de tous ces 10 ans. On a d'autres anniversaires ici. Il y aura celui de Radio Panique dans pas longtemps. On invite tous les gens de cette salle à nous rejoindre à Bruxelles dans un grand convoi le 1er décembre prochain pour fêter non seulement souffler notre 10e bougie et puis fêter en même temps les 35 ans, je crois. 35 ans de Radio Panique, et ce qui promet d'être une fête... absolument monumental. Donc, si vous aimez le son, si vous aimez la radio, si vous aimez la fête, si vous aimez la Belgique, ouais, eh ben, venez. Ok, ben, merci beaucoup à la SCAM pour son accueil et son fidèle soutien. Véronique Blanchard, Mélanie Augère, Frédéric Fiard, et merci à Radio Campus Paris. À la réalisation ce soir, il y avait Hugo Lin, Crépin Leblond et Pauline Le Cerf. Eh bien, portez-vous bien et on se quitte en musique.